Dieu créa les cieux, Dieu créa la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu au-dessus des eaux se mouvait. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Bonne, bonne, bonne, bonne. C'était vraiment cool. Alors, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La lumière fut appelée jour, les ténèbres appelées nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. les fruits des terrains. Que Dieu bénisse le lait de tes seins, les fruits de terrain. Que Dieu bénisse le lait de tes seins, les fruits, les fruits, les fruits de terrain. Que Dieu bénisse le lait de tes seins, les lait de tes seins, les fruits de terrain. Alors, ensemble les gars, avec Corinne et Mandika. Alright. Alright. Alright. Okay. Nous on fait la bénédiction et vous faites les Amen. Alright. Alright. Que Dieu vous donne longue vue. Dieu veille sur les enfants. Amen. Que Dieu nous protège des guerres idiotes. Amen. Que Dieu nous protège du chômage. Dieu nous protège de cette maladie vicieuse.